Permettez-moi, ma mère, de reprendre un mot que je viens de dire, car il n'est pas exact. S'il est impossible de rencontrer la vérité chez la femme et le fièvre englouti dans la matière et la rapacité du gain, il est possible de le trouver chez le névrosé, parce que les malades ne sont point exclus du divin concours de la sainteté. Si le bon Dieu punit la race humaine par le rachitisme, fruit de la mollesse qu'apporte le bien-être toujours croissant de nos civilisations modernes, mais elle n'en est pas moins appelée au salut et de même que les possédés peuvent être des saints, témoin le révérend Père Surin et bien d'autres, ceux qui en a déploré en eux certains manques d'équilibre, peuvent en être aussi, parce qu'au moment où l'on jouit de sa raison on peut toujours pratiquer la vertu. Je ne sais si je me trompe en pensant cela, mais il me semble que c'est faire honneur à la justice de Dieu et aussi à notre liberté de croire qu'on peut toujours employer la raison que l'on a à être doux et humble, patient et mortifié, à aimer le bon Dieu de tout son cœur. Eh bien, là est la vérité. Après vous avoir exposé ma mère, mes premières impressions, toutes très favorables, je prends vite le récit des faits vous demandant encore une fois pardon d'être si peu précise en m'étendant outre mesure sur des considérations interminables. Au début de cette histoire je vous ai dit que ma vie spirituelle s'était épanouie à la clarté de deux astres, Thérèse, la petite étoile de Jésus, la sainte face divin soleil de justice. Thérèse m'a accompagnée et guidée depuis mon enfance, par elle, vous m'avez fait connaître, Seigneur, les sentiers de la vie et le moment approche où vous me remplirez de joie en me montrant votre visage, acte 2, 28. Mais avant de lever le suaire qui me dérobe encore les traits de Jésus, il me faut suivre la voie qu'il a parcourue, il me faut l'accompagner dans sa passion, au calvaire et au tombeau. Quand mon âme aura subi mystiquement ces divers états, alors Jésus se révélera à ses yeux parce que l'empreinte des blessures qui défigurent son bien-aimé sera parfaite en elle. Dans la première partie de ce récit qui relatait ma vie au Buissonnet jusqu'à la maladie de papa, je vous ai raconté, ma mère, ce qui concernait mon enfance et ma jeunesse et vous m'avez vu buvant jusqu'à la lie le calice de la douleur. Dans la seconde qui s'étendait depuis mon entrée chez mon oncle jusqu'à mon départ pour le Carmel, vous m'avez considéré en contact avec les vanités du monde et les à côté de la vie. Dans cette troisième, qui comprend mon séjour au Carmel, bien que plus féconde que les précédentes en épreuves et en fruits, je ne pourrai malgré ma bonne volonté entrer dans le détail de certaines souffrances, aussi puis-je dire après Thérèse. Bien des pages de cette histoire ne se liront jamais sur la terre, je sais que vous me pardonnerez ces petites réticences qu'il faut attribuer non à un manque de confiance, mais à la discrétion. Dès mon entrée au Carmel la croix me tendit les bras à moi aussi. Je trouvais dur et austère toutes les pratiques de la règle, le démon y mit certainement la main pour me décourager, car ce qui était facile aux autres me devint particulièrement ardu. La paillasse à laquelle les postulantes s'habituaient vite fut pour moi une réelle pénitence, chaque soir il me semblait que c'était une planche qui me servait de lit, et le matin quand je m'éveillais, après un mauvais sommeil, j'avais les membres brisés. Ce ne fut qu'après plusieurs semaines de cet exercice que je m'y habituais tant bien que mal. Au réfectoire j'avais de même beaucoup de mortifications à faire ayant le poisson, le lait et les farineux en horreur, cependant après une année j'étais faite au régime et maintenant l'habitude a eu raison de toutes mes répugnances. Une autre pénitence, la plus dure pour moi et la plus tenace puisqu'elle s'accroît avec les années, c'est la récitation de l'office debout. Ce que j'ai souffert et souffre encore l'été de l'inflammation de la plante des pieds, c'est le bon Dieu tout seul qui le sait. Infirmité d'autant plus pénible qu'étant peu commune, on ignore le moyen de la soulager. Il est vrai que mes supérieurs ont usé à mon égard de beaucoup de condescendance, insistant pour me faire asseoir au cœur, mais comme je voulais souffrir cette infirmité jusqu'à extinction, avant de me plaindre ou de profiter de la latitude donnée, il s'en est suivi que la récitation du bréviaire m'a été un véritable martyr. La privation de sommeil, Le temps de repos étant très limité, m'a été aussi extrêmement dur. Ne dormant pas assez la nuit, la conséquence a été que j'ai dormi pendant l'office, dormi encore hélas pendant mes oraisons et actions de grâce, dormi même quelquefois pendant la messe. Et surtout, ce qui m'a fait le plus de peine, dormi pendant les heures d'adoration lorsque le Saint-Sacrement était exposé. Je crois que l'obscurité dans laquelle nous sommes pour accomplir ce pieux exercice, est pour beaucoup dans cette torpeur, il n'en est pas moins vrai que plusieurs n'éprouvent pas cette infirmité tandis qu'elle me visite, j'allais dire, toujours. Je ne pourrais vous exprimer, ma mère, ce que cette propension au sommeil, à des heures où il est prohibé, m'a été pénible durant toute ma vie religieuse. De ce côté le démon m'a presque tenté de découragement, je me suis cru parfois une mauvaise religieuse pour laquelle il n'y avait pas de pardon. J'avais horreur de moi et me voyais tomber dans l'état de tiédeur où Jésus a juré de nous vomir de sa bouche. Mais ces difficultés ne sont pas les seules qu'il m'a fallu 20 heures ou supporter, en entrant au Carmel. J'apportais, en entrant au Carmel un caractère bien tranché, j'avais 25 ans, j'avais beaucoup vécu, beaucoup souffert et pouvais m'attendre à quelques égards, aussi cela m'étonna-t-il un peu d'être, en ma qualité de dernière venue, la servante de toutes, la dernière partout, ma compagne de noviciat, comme moi sous la tutelle de Thérèse, n'avait que 20 ans mais comme elle était entrée 3 mois avant moi, j'étais la plus jeune et, par suite, le bouche-trou de préférence à elle. C'était le sort des novices. Dans ce temps-là, elle n'était pas mise à part comme maintenant. Parfois ma nature se révoltait et je confiais mes peines à ma Thérèse dans un flot de larmes. On me mit à la robrie, j'avais pour première d'emploi une vénérable ancienne, bonne Alexe qui, croyant sans doute m'être agréable me faisait peindre de petits sujets sur des coquilles. Jamais je n'avais peint que de grands tableaux. Aussi le travail de ces petites bêtises m'était-il extrêmement antipathique. Cependant elles devinrent à la mode et toutes les sœurs, voulant embellir leurs ouvrages pour la fête de notre mère, obtinrent l'assentiment de ma première et me firent décorer, une fois, jusqu'à 40 objets. J'aurais été un peu récompensée si j'avais contenté mes clientes, mais il n'en était jamais ainsi. L'une aurait voulu sur sa ménagère un serpent au lieu d'un oiseau, une autre une fleur jaune sur sa pelote à la place d'une rose. Enfin je vis qu'il est absolument impossible de plaire aux créatures et je ne l'essayais plus. Cette expérience ne m'eût apporté que de la joie si ma première d'emploi avait apprécié mes services, mais il en était tout autrement et je l'entendais dire à l'occasion. Sœur Marie de la Sainte Face ne me fait rien du tout. Je ne compte pas sur elle pour m'aider. J'ai porté ce nom jusqu'à ma prise d'habit. Ces paroles me paraissaient une injure. Moi qui savais travailler, tailler, m'étant fait dans le monde plusieurs costumes et je ne pouvais supporter qu'on me reprochât de ne point faire ce qu'on m'interdisait de toucher. Thérèse était encore le confident de ces révoltes. Elle compatissait beaucoup à mon chagrin et pour me consoler elle m'offrit la nuit de Noël 1894, année même de mon entrée, la poésie intitulée « La reine du ciel à sa petite Marie » Ces strophes étaient particulièrement significatives, « Ne t'inquiète pas Marie et si quelqu'un vient à redire, de l'ouvrage de chaque jour, que tes œuvres ne se voient pas, car ton travail en cette vie, j'aime beaucoup pourras-tu dire ?» doit être uniquement l'amour. Voilà mon travail ici-bas. Puisque je suis sur le chapitre du travail, je vais achever ma pensée bien que j'anticipe sur toute ma vie religieuse puisque l'épreuve dont je parle m'a suivi pas à pas depuis mon début jusqu'à ce jour. À quelque emploi que j'ai été mise, robrie, pain d'hôtel ou infirmerie, on a toujours réclamé de moi quelque ouvrage de surérogation. Tantôt c'était un ornement qu'il fallait décorer de peinture, ou bien un médaillon sur une pale, sur une étole. Il y avait toujours quelque chose de nouveau, à peine un ouvrage était-il achevé qu'il était question d'un autre. Alors les premières d'emploi souffraient naturellement de ce vol de temps sur leur travail, de là quelques paroles dites aimablement, mais qui n'en portaient pas moins. D'autres sœurs, on le savait, avaient des combats disant qu'au Carmel il ne fallait pas recevoir des demoiselles qui travaillaient à des ouvrages d'agrément, tandis que les autres peinaient à de gros travaux. Je ne saurais dire combien je souffrais de voir souffrir mes sœurs, je comprenais qu'elles pensent ainsi, car il n'est pas donné à tout le monde d'avoir du goût pour les choses artistiques. Dans ces occasions, comme dans toutes les autres, j'allais encore de verser mon cœur dans le cœur de ma Thérèse. À ce propos elle me dit un jour, « Ne vous affligez pas de cet état de choses, c'est le bon Dieu qui le permet ainsi, pour donner à nos sœurs une occasion de mérite à notre sujet, pendant que nous en avons une très grande de notre côté, car c'est une très grosse épreuve de savoir la peinture en communauté. Plus vous irez, plus vous en ferez l'expérience. Ne perdez donc pas courage dès le commencement, réjouissez-vous plutôt d'avoir cette occasion de souffrir. » Ma chère petite Thérèse pouvait me parler ainsi, elle le faisait en connaissance de cause, ayant elle-même beaucoup souffert de ce côté puisque, par obéissance, elle avait exécuté plusieurs travaux de peinture. Quant à moi, ce fut la première fois, mais non la dernière, que j'expérimentais la profonde parole du sage, « Celui qui augmente sa science augmente aussi sa peine », proverbe ecclésiaste. Et plus d'une fois je fus tenté de maudire les connaissances que j'avais acquises au prix de tant de labeur, de cette insuffisance, que le surcroît de travail m'imposait vis-à-vis de mes compagnes d'emploi. Germain un grand défaut, qui fut très préjudiciable à ma perfection, je veux dire, l'empressement dans les affaires. Je voulais contenter tout le monde et me multiplier. Avec ma nature vive et ardente, il y eut là pour moi un véritable écueil, lequel dénotait un grand amour-propre, car je ne pouvais pas supporter être en dessous de mes obligations et cette pensée que j'éprouvais ne venait que de ce principe, pas du tout de ma charité pour mes sœurs. Thérèse suivait en moi ses lues de la nature. Elle me donnait ses conseils toujours pleins d'à-propos et dont chaque mot distillait et la perfection la mieux entendue. En l'écoutant je croyais recevoir les réponses même de l'Esprit Saint, mais hélas il y avait loin de la bonne volonté à l'exécution. Si mon orgueil était mis à l'épreuve par le jugement défavorable des créatures sur moi et mon impossibilité d'en empêcher la cause, ma patience ne le fut pas moins. Pendant mon noviciat je fus placé comme aide à l'infirmerie. Là j'avais m'occupé d'une bonne mère atteinte d'anémie cérébrale. Elle était très instruite, ayant été dans sa jeunesse maîtresse de pension, mais elle avait conservé de son ancien métier un certain flegme mêlé de sévérité qui rendait son abord un peu difficile. Elle avait pour principe qu'il faut exercer la jeunesse afin de l'habituer à assouplir son caractère. Pour moi dont la vertu était si faible j'aurais préféré, je l'avoue, qu'on diminuât mes difficultés au lieu de les augmenter. Tantôt elle me sonnait pour me dire des choses absolument insignifiantes. Une fois que j'étais accouru de très loin pour répondre à son appel elle me dit simplement qu'elle distinguait mon pas d'avec celui de ma compagne, ou bien, elle m'envoyait explorer tous les environs jusqu'au grenier. Afin de me rendre compte s'il n'y avait pas une porte d'entrebâillée ou un imposte d'ouvert parce que des correspondances d'air lui arrivaient jusque dans son infirmerie. Afin de se distraire, elle aimait beaucoup me faire conversation, mais sa mysticité était si fignolée que je n'y comprenais rien. De plus je n'avais pas le temps d'approfondir les profonds mystères de son instruction. Alors je lui disais poliment que j'étais attendu ailleurs. Cela ne la contentait pas et elle me retenait sans pitié. Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tous les exercices de patience qu'elle me faisait faire. Ce qui les rendait extraordinairement fatigants c'est qu'ils venaient d'une personne intelligente, qu'on allait même souvent consulter dans des questions épineuses, d'une personne qui avait l'usage de tous ses membres et ne se faisait servir que par principe. C'en était trop pour ma faiblesse. Et les efforts surhumains qu'il me fallait faire pour me contenir me prenaient sur les nerfs. Un jour, je partis pour chercher secours auprès de ma Thérèse, épuisé de fatigue. La mal envers je m'assis sur une table qui se trouvait là et me mis à sangloter. Ma chère petite sœur m'accueillit avec une bonté sans pareille. Elle s'approcha de moi, appuya ma tête sur son épaule et sécha mes larmes par des raisonnements tout célestes. Mon orgueil, ma patience exercée, ma liberté le fut aussi. Je choisis un exemple entre mille. Un jour de printemps que les novices se promenaient ensemble au jardin, j'aperçus gracieusement assise dans l'herbe, une petite perce-neige. Mon premier mouvement fut de m'élancer pour cueillir la fleurette, mais Thérèse me retint en disant que ce n'était pas permis de prendre quoi que ce soit dans les jardinets des infirmes, sans leur assentiment. Je demandai où l'on pouvait cueillir, mais voyant qu'il n'y avait point de jardin commun et qu'il fallait des permissions pour toutes choses, même les plus insignifiantes, j'éprouvai une grande tristesse et de grosses larmes roulèrent sur mes joues. Rentré dans notre cellule, je voulus me consoler auprès de mon bien-aimé et je résolus de composer un cantique qui, après avoir énuméré toutes les choses que j'aimais, disait « Quand Jésus je les ai retrouvées ». Le dimanche suivant, m'étant mis en devoir d'exécuter mon projet, je m'aperçus avec douleur que j'en étais incapable, car à la fin de la journée je n'avais fait que ce seul vers, la fleur que je cueille, ô mon roi. C'est toi, ma chère petite Thérèse, mise au courant de mon désir et de mon impuissance, me promit de composer elle-même cette poésie. Elle me fit spécifier mes pensées, comme elles étaient siennes. Le 28 avril, jour de mon anniversaire de naissance, je reçus le délicieux cantique tant désiré. Thérèse l'avait intitulé le cantique de Céline et l'avait fait en sorte que rien n'y manquât, afin de me contenter pleinement. Mais je reprends vite l'exposé de mes épreuves dont je me suis écarté par ce petit trait. Dans le monde, mon âme habitait pour ainsi dire un château fort, elle s'était cantonnée là et jouissait de ses richesses. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout lui obéissait. Encensée, applaudie, elle se croyait quelque chose sans s'en douter. D'ailleurs, avait-elle besoin qu'on la loue du dehors quand elle-même se sentait vivre d'énergie sans cesse renaissante, quand le bon Dieu l'avait mise pour ainsi dire en face des dons qui lui avaient départi avec tant de libéralité? Mais tout à coup le tableau a changé. Au lieu de l'édifice, je ne vois plus que des ruines qui laissent à découvert des abîmes jusque-là ignorés, abîmes d'orgueil, de colère et d'indépendance. Où suis-je? Qui donc a abattu ces murs? Je vivais heureuse dans leur enceinte et maintenant la guerre est allumée en moi, mes défauts jusque-là assoupis se sont réveillés. Est-ce pour vivre en leur compagnie que je suis venue au Carmel? Est-ce pour m'abattir? Où sont mes impressions vives et ardentes? Autrefois je me passionnais, je sentais mon cœur battre de zèle, j'étais entreprenante, et pour la gloire de Dieu j'aurais été au bout du monde et me voilà désarçonnée, sans force, mort dans la poussière. Quel but poursuis-je et quelle sera la fin de tout cela? Après un jour passé au milieu d'aiguillonnements de toutes sortes, le fouet, la discipline, est la récompense de ses labeurs et, à peine a-t-on pris quelques instants de repos, qu'il faut endosser, dès le matin, des instruments de pénitence et partir ainsi harnaché à son travail. Mon Dieu, mais c'est une vie de galère que je mène. Ma mère, en écoutant ses plaintes, paroles de révolte et de blâme, vous croyez sans doute entendre le raisonnement des impies, ceux qui ne jugent que par l'extérieur le fait brutal mis sous leurs yeux, et qui n'ont jamais porté le joug du Seigneur et par conséquent jamais goûté sa douceur. Si le métal en fusion pouvait parler, il se plaindrait bien sûr d'avoir perdu sa forme, son état solide, pour se liquéfier sous les ardeurs du feu. Et cependant c'est pour son bien qu'il est mis dans le creuset puisqu'il doit en sortir plus brillant et plus pur. Tout dans la nature nous prêche cette vérité, il faut perdre pour gagner, il faut souffrir pour enfanter, la fleur ne donne son fruit qu'en effeuillant ses pétales, la mère pleure en mettant son fils au monde. Avant d'être victorieux il faut aller à la bataille et verser son sang. Pour s'enrichir il faut travailler sans craindre sa peine et si nous trouvons superbe la nature agreste de nos montagnes il faut se souvenir qu'elle n'a acquis sa beauté que par le soulèvement douloureux de ses profondeurs embrasées. Ma mère, J'ignore si mon âme est belle, mais sûrement ce n'est pas un pays plat, et si quelque touriste s'aventurait un jour à l'explorer, je lui conseillerais d'être fort prudent s'il ne veut se casser le cou dans quelque ravin. Je veux dire que je craindrais qu'il ne fût mal édifié par le désordre abrupt qui y règne. On sent que le déluge a passé par là. Mère bien-aimée, vous, je le sais, ne vous malédifiez point à mon sujet, les chaos, les ravins profonds, les crevasses du sol, les cascades bruyantes, les rochers anguleux que vous rencontrez dans mon âme ne vous effraient pas, peut-être même y trouvez-vous quelquefois des charmes. Si cependant vous préfériez quitter ces pays sauvages, il est un petit coin très ombragé et très tranquille. Mieux que cela, au détour de ce sentier dangereux vous vous trouverez en présence d'un lac calme et serein comme le ciel d'azur qu'il reflète dans son miroir d'argent qu'aucune ride ne vient troubler. Ô ma mère, que j'ai souffert et que j'ai été heureuse dans ma vie, plus heureuse que malheureuse au de beaucoup, parce que mes douleurs ont toujours jeté la joie et plus ces douleurs étaient intenses plus le jus exprimé abondant et suave. Un jour, travaillé par le découragement, j'aborde ma mère prieure qui était alors mère Agnès de Jésus. Elle montait rapidement l'escalier. Lorsque je lui lançai cette parole, je n'en puis plus. La vie est trop dure. Tout en continuant sa marche, elle me dit, vous en trouvez trop, faites-en davantage. Je n'en demandais pas d'autre et, rebroussant chemin, je m'en retournai méditant ce conseil hardi. La grâce aidant, elle me plut, me charma, m'enthousiasma et je pris la résolution de ne plus m'épargner dorénavant. Je me tins parole à moi-même et, sans comprendre encore les pénitences corporelles, sans les aimer jamais, je demandai la permission d'en faire, si bien qu'on aurait pu me croire une âme très mortifiée. Puisque je suis sur ce sujet, je vais, ma mère, vous confier quelque chose. Ce n'est que dernièrement, tout dernièrement, qu'il me fut donné de comprendre comment les pénitences corporelles pouvaient être agréables à Dieu. Je trouvais ces flagellations honteuses et par suite, indignes d'un Dieu si grand et si aimable. Mais ce mystère du sacrifice, je le compris pleinement jusque-là qu'il me ravit d'admiration. Je ne m'étonnais plus qu'Isaac se soit couché avec joie sur le bois de l'Holocauste, attendant le coup de glaive qui devait le consacrer à jamais victime volontaire au Dieu trois fois saint. L'Écriture, en effet, ne relate aucune révolte du 12 enfants en face de la mort et, sans nul doute, il était heureux de suppléer une victime grossière, indigne de la majesté infinie. Oh que j'aurais aimé, moi, être ainsi immolé à Dieu. Mais le Seigneur dans ses ordonnances souveraines n'en a jamais été jusque-là, jamais il n'a demandé la vie de l'homme quoiqu'il eût été bien libre de redemander ce qu'il avait donné. Avec quoi donc me présenterai-je devant Jéhovah? Agréera-t-il des milliers de béliers? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon et ce que Jéhovah demande de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu, Michée 6, 7.8, aussi est-ce pour pratiquer la justice que je traite mon corps comme il le mérite, espérant par la recevoir miséricorde, l'obtenir aux autres et la grâce de marcher dans la vérité. J'ai parlé de cette question dans mon petit travail sur la Sainte Face, parce que la grâce de comprendre les pénitences corporelles a été le fruit de mon étude sur la face douloureuse de Jésus et les ignominies de sa passion. Je ne m'y étendrai pas plus longuement ici, mais pour achever ma pensée je dois dire que si je les comprends je ne les aime pas. Elles sont un moyen, non un but par conséquent, une chose transitoire due à notre état présent de dégradation. Alors, je les méprise comme tout ce qui est instable, et c'est avec une grande joie, qu'une fois arrivé au ciel, je renverserai l'échelle qu'il m'y a fait monter. Cependant puisque je suis encore en bas je ne vais dédaigner aucun moyen de m'élever, c'est pour cela que je me sers de ces gradins jugés par moi utiles. Dans ce but, je n'ai jamais, de plein gré, laisser passer l'occasion d'obtenir la latitude de me livrer aux exercices de pénitence et il m'est arrivé souvent d'avoir des permissions beaucoup plus étendues que je n'aurais souhaité. Cela tient à une chose, c'est que désirant faire en cela comme en tout le reste, la volonté nique de mon bien. Et mais je demandais tout ce qu'on pouvait demander convaincu que la sagesse de mes mères prieurs rabattrait toujours assez et qu'ainsi leur décision finale serait directement les paroles de Jésus, son dernier mot. Ces pénitences une fois réglées, jamais je ne les ai variées, jamais omises, j'avais en cela une intention, je voulais qu'elles passent chez moi à l'état d'habitude, sans devenir une occupation. Alors, je reprends ici mon sujet, alors la force, l'aisance, la vigueur de l'âme et par conséquent la joie, joie profonde et forte, s'est exprimée de la douleur me donnant à boire bien plus de jus sucré et que je n'avais goûté d'amertume. Depuis, j'ai pensé que la générosité pouvait se traduire d'une toute autre manière que par des pénitences corporelles de surérogation. Elle est, en effet, dans la bonne volonté d'accomplir ses devoirs d'État le mieux possible. Elle est dans l'essai de la correction des défauts et l'effort pour suivre avec fidélité la règle qu'on a volontairement embrassée, essayant de ne point se donner en cela de latitude. Il me semble même que cette méthode de mortification simple et obscure est davantage la vocation des petites âmes qui sont ordinairement appelées à la sainteté par la voie commune, à l'exemple de la Sainte Vierge. C'est par la voie commune, ô admirable Mère, qu'il te plaît de marcher pour nous conduire aux cieux. Mais je reviens au temps de mon noviciat si traversé par de nombreuses luttes. Je le dis en passant, je crois que si tout avait été comme maintenant, en ordre et normal, je n'aurais pas eu ces difficultés, vraiment rares. Je continue leur nomenclature. Une autre fois, découragé encore, la mose à bois, je disais, non, jamais, jamais je ne pourrai persévérer dans une telle vie, je préfère avoir une moins belle place au ciel, je ne veux pas me donner tant de mal pour moi. Ce jour-là ne pouvant surmonter mon angoisse et la voyant au contraire devenir plus intense, je suppliai la Sainte Vierge de venir à mon secours et de me consoler. La nuit suivante, pendant mon sommeil, comme je pleurais beaucoup, le cœur pressuré par les épreuves, je levai les yeux, une grande immensité du ciel m'environnait. Il y avait beaucoup de petits nuages, entre lesquels des couronnes entrelacées, c'était comme des nappes surmontées d'une étoile, j'en voyais des milliers, des multitudes, et à mesure que les nuages s'écartaient, j'en découvrais d'autres, je restais haletante, mes larmes se séchaient et je remarquai que l'horizon était tout rouge, rouge de sang et ce rouge montait toujours. Alors, j'ai pensé que ce n'était pas pour moi que je travaille, mais pour faire plaisir au bon Dieu et lui sauver des âmes, but que je n'atteindrais que par l'amour qui donne sa vie pour celui qu'il aime. J'avais enfin trouvé la raison d'être de mon existence, le pourquoi de tant de labeur. Non, il n'était pas inutile ni exagéré puisqu'il était destiné à une si belle conquête. Est-ce que le général qui veut gagner du terrain sur l'ennemi et lui prendre des villes, épargne son temps, ses forces, ses hommes? Eh bien, si on ne recule devant aucun sacrifice pour remporter des victoires éphémères dont le souvenir ne passera pas le seuil de l'éternité, moi je ne veux pas m'épargner pour conquérir des âmes immortelles à mon immortel souverain. Ah, comment ne pas se lancer dans l'arène quand on sait que la destinée de tant d'âmes est attachée à nos efforts. Ayant pour horizon une telle fin, l'espoir de l'atteindre devient déjà une récompense dont la somme de joie surpasse infiniment, même dès ce monde, la somme des renoncements qui y conduit. Bonheur incomplet cependant, s'il y manque une certaine richesse personnelle, laquelle s'acquiert par une habileté dont je vais parler tout à l'heure. Elle est pour ainsi dire, à l'âme qui se dévoue au salut des autres, ce qu'est la nourriture substantielle à la mère qui, à force de se négliger pour ses enfants, perdrait la vie, sans ce secours. C'était encore et toujours après une phase de découragement poignant où, me croyant une mauvaise religieuse, je me voyais poursuivi par la justice divine. Oh, comme il m'a fallu essuyer de bourrasque avant d'entrer pleinement dans la petite voie de ma Thérèse. Un soir donc que l'orage grondait plus fort que de coutume, baignant mon oreiller de mes pleurs, je songeais au droit que le châtiment avait acquis sur moi et je me disais que méritant les rigueurs de cette justice je n'y échapperais pas certainement, lorsqu'il me passa un sentiment de désespoir si aigu que je fus sur le point de jeter un cri. Au lieu de cela, je fis pour ainsi dire volte-face à ma douleur et me jetai les yeux fermés dans les bras du bon Dieu en m'abandonnant à lui. Aussitôt toutes mes peines disparurent et je respirai à l'aise, lorsque je me souvins d'un conte que j'avais lu dans mon enfance et qui m'avait jadis beaucoup frappé ainsi que Thérèse. Il y était dit qu'un roi étant à la chasse poursuivait un petit lapin blanc qu'il était sur le point d'atteindre, lorsque le petit lapin se voyant traqué par les chiens, en joue du fusil, rebroussa chemin par un mouvement prompt et se jeta dans les bras du roi. Celui-ci, qui tout à l'heure voulait le tuer, le baisa et, l'ayant pris sous sa protection, ne céda à nul autre le soin de le nourrir. Ma mère, cet abandon aveugle, fou, injuste, est l'habileté dont je parlais à l'instant laquelle est pour l'âme une source inépuisable de bien. À cette histoire du petit lapin blanc, il s'est trouvé que, l'ayant raconté à un bon père jésuite, le révérend père mentor de la résidence de Laval, à notre retraite de 1899, qui souffrait beaucoup de peines intérieures, elle le consola si bien qu'il ne l'oublia jamais et sur son lit d'agonie il en parlait encore. Cela me fut une preuve que ce souvenir lointain qui m'avait été remis en mémoire, dans un moment aussi propice, était une sorte de parabole par laquelle Jésus m'avait instruit de sa miséricorde envers l'âme humble qui, perdant confiance en ses propres forces, ne met son assurance qu'en lui. D'après la peinture que je viens de faire de la confiance, vous devinez, ma mère, si ma résidence habituelle n'est pas au bord de ce beau lac. Aussi délaissant les fondrières où grouillent les passions j'habite là tant que je peux. Je dis, tant que je peux, la voix de l'homme n'est pas toujours en son pouvoir. Souvent c'est par une volonté expresse du bon Dieu qu'on se trouve face à face avec ses misères et il faut rester en cette fâcheuse compagnie jusqu'à ce qu'il vous permette de vous en échapper. Alors on ne demande pas son reste et quelques instants passés au bord du lac paisible vous font oublier ces heures d'angoisse et de honte. Mais, cependant quelles sont utiles ces heures? Car tandis que la nature se violente pour ne pas pulvériser les créatures qui la contrarient, c'est elle qui est détruite, réduite en cendres et de ses cendres germe une renaissance dont Jésus se prépare à lui montrer les fruits. Le monde cependant rit de nos combats qu'il traite de puérils. S'il parle ainsi c'est que jamais il n'a engagé bataille sur ce terrain-là. Quant à moi, c'est par expérience que je le dis, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de se vaincre soi-même en pratiquant la douceur, l'humilité, la patience dans les occasions contraires que de supporter des épreuves beaucoup plus grandes qui n'exercent pas directement notre caractère. Dans les épreuves de la vie qui nous atteignent, par exemple dans notre fortune, la maladie ou la perte d'êtres aimés, il est sans doute très méritoire de ne pas se révolter. Mais c'est par pure bonté que le Seigneur a attaché du mérite à cette soumission, aux suites fâcheuses du péché d'origine qui sont un châtiment. Mais raisonnablement parlant n'est-elle pas dans notre intérêt, car à quoi sert de se dresser contre les vicissitudes de notre vie d'exil? Est-ce notre faiblesse qui vaincra par ses résistances, le cours des événements? On sait fort bien que nul ne leur commande et que nous avons tout à gagner et rien à perdre en supportant patiemment les revers de la vie. Mais se laisser accuser sans se plaindre, se trouver aux prises avec l'injustice et refouler le flot qui monte en bouillonnant jusqu'à nos lèvres, voilà qui est difficile et méritoire. Pour y arriver, il faut être doté d'une fameuse humilité et possession de soi-même, si maintenant ces vertus ne s'acquièrent que par l'exercice ou par un don gratuit de Dieu. Il faut bien reconnaître que c'est principalement dans les couvents qu'on en trouve l'occasion. Oui, la vie religieuse est un laminoir qui lime notre âme, notre esprit, notre cœur sous toutes leurs faces. Elle est encore une lunette d'approche, Les grandes vertus du monde ne sont souvent qu'imperfections à cet observatoire-là. J'en juge par moi-même qui n'aurais jamais cru avoir tant de défauts. Cela tient à une chose, c'est que, vivant avec des personnes bien élevées ou subordonnées, celles-ci ne me résistaient pas tandis que celles-là s'étudiaient à avoir des rapports faciles et polis avec leur entourage. De là un exercice des vertus nul ou à peu près. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.